Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la Minute de l'IA, on parle de Gmail et de Gemini. En agence, tous les échanges passent par la boîte mail. Pour tous les contacts, les vendeurs, les acheteurs, les notaires, les diagnostiqueurs, les relances, les pièces manquantes, très vite, on perd du temps à lire, trier et retrouver l'information. C'est là que Gemini peut aider. Oui. Gemini dans Gmail peut faire gagner du temps dès le début de la journée. Il peut résumer un échange, proposer une réponse, rédiger un brouillon et retrouver une information importante dans un fil de mail. Prenons un cas simple. Un conseiller ouvre un échange avec 14 messages sur une vente. Au lieu de tout relire, il demande « Résume-moi ce fil et dis-moi ce qui bloque encore. » Gemini peut répondre, par exemple « Pièce d'identité manquante, retour de banque en attente, diagnostic à renvoyer. » Ensuite, le conseiller peut demander « Rédige une réponse au notaire pour confirmer ce que nous envoyons aujourd'hui et demain. » On ne part plus de zéro. On repart d'une base claire. Donc l'intérêt, c'est surtout de comprendre plus vite. Exactement. L'IA ne remplace pas le conseiller. Elle l'aide à aller plus vite vers l'essentiel. On passe moins de temps à subir l'email, et plus de temps à appeler, relancer et faire avancer le dossier. Merci pour cette minute de l'IA. Dans le prochain épisode, on verra comment Gemini peut résumer un mail ou un historique complet.